Section 5 de La grammaire de Mademoiselle Lily, par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 5. Les nombres et les genres. Ce n'est pas encore fini avec les noms. On leur a donné des nombres et des genres qu'il faut voir maintenant. Ils ont l'air méchants, ces mots-là. Ils ne sont pas méchants du tout. Quand on dit « le nez », « la bouche », on ne parle que d'un seul objet. Ce sont des noms au singulier. Quand on dit « les yeux », « les oreilles », on parle de plusieurs objets. Ce sont des noms au pluriel. Le singulier et le pluriel sont les nombres des noms. Il n'y en a que deux. Il n'y a aussi que deux genres, le masculin et le féminin. Lily est une petite femme, son nom est féminin. Toto est un petit homme, son nom est masculin. Papa est aussi un nom masculin et maman est un nom féminin. Un petit mot qu'on appelle l'article et qui se met devant les noms sert à distinguer les genres et les nombres. C'est le, la, les. Le se met devant les noms masculins et la devant les noms féminins au singulier. Les devant tous les noms au pluriel, qu'ils soient masculins ou féminins. Mademoiselle Lily demande pourquoi le nez, qui n'est pas un homme, a un nom masculin, et pourquoi la bouche, qui n'est pas une femme, a un nom féminin. Mademoiselle Lily est trop curieuse. Elle veut en savoir plus long que sa maman. C'est comme cela, et il faut s'en arranger. Si c'était autrement, il n'y aurait pas de raison non plus à en donner et à en demander. Fin de la section 5. Enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021.